Chapitre 3. Ethel Pumper avait coincé Amy à la poupe alors que la jeune femme examinait l'océan à la jumelle. « Vous savez, gémit la grosse femme, je me demande parfois ce que je fais ici. Ça me ressemble si peu. J'ai horreur de la chaleur, des moustiques et des sauvages. Depuis que je suis grimpée à bord de cet horrible bateau, je fais des cauchemars où il n'est question que de kangourous et de boomerangs. On prétend que les aborigènes mangent du chien. Croyez-vous que ce soit vrai? Mes pauvres caniches sont-ils en danger? Pourquoi avez-vous quitté Londres? » S'enquit Amy en guise de réponse. Mais pour les mêmes raisons que vous, sans doute, ma chère Octa Ethel. Tout le monde sait bien que l'Angleterre va être détruite par les V1. Ensuite, il ne restera plus un seul bâtiment debout. Hitler fera débarquer ses troupes et tout sera fini. Notre île bien-aimée deviendra allemande pour 1000 ans. Cet horrible petit bonhomme à moustache n'a-t-il pas affirmé que Londres, comme Carthage, serait rasée? Baissant la voix, elle reprit. Vous savez, tout le monde est de mon avis à bord. Nous sommes entre gens du même monde. Nous aimons l'Angleterre, mais nous ne voulons pas devenir allemands. Or, ce n'est pas ce lourdeau de Churchill qui pourra empêcher les nazis de débarquer sur nos côtes. C'est un homme qui manque de finesse, doué pour les discours tonitruants, ça oui. Quant à la stratégie, c'est autre chose. Cela répond-il à votre question, ma chérie? Sachez que je laisse derrière moi plusieurs maisons de standing, des propriétés, la présidence d'un country club. J'ai tourné la page, j'accepte de repartir de zéro comme une pauvresse. Là-bas, chez les kangourous, je m'essaierai à l'élevage. J'engagerai un régisseur. Et vous, quels sont vos projets? À peu près les mêmes, improvisa Amy qui en réalité n'avait rien prévu. Vous avez bien fait de partir, chuchota Ethel. Ne serait-ce que pour votre petite fille. À Londres, on l'aurait regardée comme un monstre. En Australie, ce sera différent. Les primitifs ne se rendront pas compte qu'elle est défigurée, puisque pour eux, tous les blancs sont laids. Si ça se trouve, vous pourrez même la marier à un indigène.